Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Prière. Poème en vers libre du Chevalier à la Rose. Mains jointes et yeux clos. De mes lèvres glissent quelques mots. Dans la mélodie de cette litanie, ce n'est point un Dieu que je prie. Cette prière, c'est à toi que je l'adresse, afin que, tel un papillon distribuant allégresse, elle vole vers toi tout en délicatesse et pose sur ton cou un souffle tiède de tendresse. Si je pouvais, par mes modestes pensées, t'apporter le réconfort lors de tes traversées, te faire oublier les jours sombres du passé et te montrer des lendemains emplis de gaieté. Si mes supplications pouvaient t'aider dans tous ces moments difficiles à affronter, ainsi que te guider et te soutenir sur les chemins de ton avenir. C'est là tout ce que je te souhaite. Un futur sans ouragan ni tempête, et dans lequel souffle un léger zéphyr sur ton cœur que j'aime sentir frémir. Et si ma vie ne doit plus être que mots, puisse la tienne toujours toucher le beau, et comme ces quelques lignes sont ma prière malhabile, je vais les conclure par un traditionnel, ainsi soit-il.